Divers pays et régions ont présenté du 30 juillet au 2 août en test intégral ou en résumé la communication du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères lancée à propos de la grande réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14. Ce sont les agences de presse, journaux, radios et en pages d'internet russes comme TASS, Komsomolskaya Pravda, la télévision Russie 24 et la TV1 et Patrioti Moskouban, l'agence de presse iranienne IRNA, l'agence de presse bulgare BT1, le journal uruguayen La Juventud, le journal indien Ocean News Point, les agences de presse Godo et Didi, la radio NHK du Japon, les en-pages internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée, du comité national d'études des études du Congo démocratique et du comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigeria.